DRM 2011, Gucci Bandana, hors mixtape, c'est ça. Yeah. Je ramène 2 ou 3 tasses dans la Gova. MC, ton flow m'agace, casse-toi de là. J'ai les poches bien pleines et les couilles qui sont bien vidées. MC, je vois que t'as la haine, tu te masturbes sur mes qualités. J'ai mon Gucci Bandana, Gucci Gucci Bandana. La meuf pue de la chatte, casse-toi de là. Dans le rap, tu tout en camon et toi tu fais ma pyramide. T'as un flow tout en carton et tes sons ont fait un bide. Tu prétends faire de la radio, être passé sur Nouvelle Ère. Je vais te briser les os, là c'est sûr tu vas en faire. Là c'est sûr je suis pas le meilleur, t'es même pas dans le classement. Je vais te procurer de la sueur, allez va prendre tes médicaments. Tu prétends être un artiste, que dalle. J'te verrai plus sauter, vas-y remballe. T'as eu mon 06, t'as pas bougé. T'es qu'un putain de blérobi, j'veux pas m'user. Tu prétends être un artiste, que dalle. J'te verrai plus sauter, vas-y remballe. T'as eu mon 06, t'as pas bougé. T'es qu'un putain de blérobi, j'veux pas m'user. Je pense que la personne concernée va se reconnaître. C'est ça. En tout cas j'espère hein. DAM 2011, c'est ça. Aouah.